Bienvenue à tous dans ce numéro 14, ce 14e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Le deuxième en live. C'est le deuxième en live. On est content. C'est compliqué le live, j'ai déjà dit la dernière fois. Hein, le live. Franchement, heureusement qu'on a dit ça la dernière fois. Mais si, il faut le faire à chaque fois parce que c'est cool, mais putain, on en chie. Alors, tout de suite, je m'occupe de la technique en même temps, c'est très bien, c'est parfait. Donc oui, nous enregistrons donc ce 14e numéro. Je me présente, hein, présentons-nous. Oui, je me présente. Je suis Sartman, j'ai 32 ans et c'est mon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, Sartman. Merci. Je suis accompagné de Riley qui a 36 ans et c'est son anniversaire. J'ai vu. Bon. Bah t'es un peu j'ai plus vieux. Moi j'ai vu d'un coup. T'as pris un peu. T'as pris un peu cher. Et pour nous accompagner, nous sommes aussi accompagnés, hein, ça tombe bien, de Clément qui est un démon âgé de 247 ans et vous savez quoi ? C'est son anniversaire. Bon anniversaire, Clément, bravo. Merci. Tout ça, c'était en fait une consonne pour dire que oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du podcast. Et voilà. Bon anniversaire. On est content. C'est l'anniversaire de Pourquoi Buffy, c'est génial. On va donc justement souffler la bougie. Hein, ça se passe allume, comme ça. Allume vraiment donc une bougie. Attention, commentez parce que là, Voilà. Alors, souffle avec nous si vous voulez. On voit la bougie ou pas ? On est décalé sur le live, on ne se rend pas compte. Si. Enfin, on la voit sur le. Ouais, t'inquiète, on la voit. Donc, vous êtes prêts à souffler la bougie ? Oui, tu vas le faire. 1, 2, 1. Ah ouais ! Hey, bon anniversaire ! Pourquoi Buffy, c'est génial ! Ah, ça, c'est une bougie qui se rallume. Une bougie qui s'éteint pas. C'est génial. Ouais, c'est forcément, regarde Buffy. C'est chiant, ça. Ça va exploser le. Bah, non. Donc, c'était un instant en direct à couper le souffle. Hein. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du podcast qu'on voit des choses aussi intenses. Ah, ça y est, bah. Bon, attaquons quand même le vif du sujet. Hein. Mais t'as pas expliqué le principe du podcast ? J'ai pas expliqué, mais faut que je fasse ça. Ça va pas être trop sur l'anniversaire. Alors, nous sommes donc en direct, ça, est-ce qu'on l'a dit ? On l'a dit ? Oui, on l'a dit. Ah ben, on a même fait la... Deuxième direct. Donc, le but de ce podcast, c'est que vous participiez à l'émission. N'hésitez pas à intervenir sur le chat. On veut vos réactions à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va peut-être oublier de dire. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous mettons l'épisode en lecture et on le commente scène par scène en direct. Donc, libre à vous de regarder en même temps ou pas. Nous allons vous donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Merci de m'avoir laissé depuis le temps que j'essaie de le placer. Merci. On était pas loin du gros blanc. le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables et en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle l'adresse du site où il y a tous les liens. De toute façon, pourquoi Buffy c'est génial tout attaché sans accent .wordpress.com. Et pour nous envoyer des mails, c'est pourquoi Buffy c'est génial tout attaché sans accent @gmail.com. Alors tout de suite, les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Ok. Ouais. Bon jingle. Ouais, ça marche bien sur le téléphone. Ça marche. Mais je ne m'allais pas le dire. Non, pardon. Ouais. C'était un secret. On est en live. J'attaque mes gros bisous. Alors, je voudrais commencer par faire un gros bisou à James de l'Amical du Geek qui a soumis notre chaîne YouTube au site Tublist. Et c'est du bon coup, Et du coup, il y a 3 semaines, on a été mis en avant dessus sur le site. Donc, c'était très très sympa de sa part. Également un gros bisou à tous ceux qui nous ont souhaité un bon anniversaire aujourd'hui. Hein, ouais. Bon anniversaire. Merci. Merci énormément. Et un gros bisou à Angie Sifa qui nous a fait un superbe fan art de Buffy vêtu d'un magnifique t-shirt à l'effigie du podcast. Bon. Je l'ai pas vu. Clément, tu n'as pas vu ça ? Bah non, le truc de lecture YouTube. Non, mais sur le t-shirt. Clément, tu n'as pas vu ça, mais faut que tu mais tu traînes pas assez sur les Facebook, sur les internets. C'est vrai. C'était très très bien. Nico dit que c'est Nico Angelis dit que c'est le meilleur jingle. Bien sûr. Gros bisous. Je fais très bien. Tu avais un gros bisou, Clément, je crois. Alors, un gros bisou à Kikrine, qui c'est une nana qui fait un podcast qui s'appelle donc Une fille, un podcast. Très bien. Très sympa. Et qui a eu en plus la générosité d'écouter la quasi-totalité de notre podcast. L'excellente idée, j'ai envie de dire. et d'en faire un d'écouter notre podcast. Voilà, où elle conseille aux gens d'écouter le Pourquoi Buffy c'est génial. Oui, là, son podcast, c'est un podcast sur les podcasts en fait. Donc ça nous fait rudement plaisir. Oui. Oui, elle présente un podcast. qui présente d'autres podcasts. Qui lui plaît, quoi. Ouais. Et elle critique, elle dit si c'est bien, si c'est pas bien, tout ça. Et donc, dans son dernier numéro, elle parlait de nous, c'est ça. Voilà, elle a écouté, elle donne son avis, elle encourage les gens à venir découvrir le podcast, donc ça nous fait plaisir. Donc on mettra le lien vers son podcast, donc voilà, il s'appelle comment ? Une fille, un podcast. On le mettra sur le site, bien évidemment. Tu avais un gros bisou, Riley ? Oui, évidemment. Je voulais faire un gros bisou à Joss Whedon, qui ne nous écoute certainement pas, il paraît que Joss, il est en dépression. Eh ouais. Voilà. En plus, on a vu son film Avengers Age of Ultron, voilà, bon bah... Effectivement, il n'a pas l'air bien. Et en plus, aujourd'hui, il a balancé une interview incroyable où il pourrit Marvel. C'est triste. Gros bisous, Joss. C'est grâce à toi qu'on est là. Voilà. Tiens bon, Joss. On les aura. Donc, sans plus attendre, on a fini les gros bisous ou pas ? Oui, on a fini depuis 3 heures. Alors, je me munis de mon appareil du futur pour lancer tout de suite le jingle des sondages. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Oulala, rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage ? Pas du tout. Rubrique sondage, donc. Rubrique sondage, c'était quoi le sondage ? La dernière fois, on avait fait un sondage sur Anya, excellent personnage, superbe personnage. On a eu en plus plein de réponses sur le site, donc c'est très cool. Merci à tous les participants. Et alors, les résultats ? Roulement de tambour. Quels sont les résultats, Riley ? On a eu 16... Il y a eu 16 voix pour Selfless, donc votre épisode préféré sur Anya. Bon, je suis assez d'accord. Hein. Qui a écrasé tous les résultats. Donc, le deuxième, c'était The Wish avec 5 voix. Alors, on m'a dit... c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas trop centré sur Anya, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est quand pas même... faux. Celle qui lance l'épisode, mais c'est vrai que c'est pas spécial année. Bon, bref. Elsbeth, une voix, et Entropy, 0 voix. Alors, Selfless, c'est vrai que c'était un peu évident. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en conclusion, le fait que ce soit Selfless il faut qu'on le fasse. Ah, d'accord. On a parlé du passé d'année. Non, mais oui. Alors, qui a remporté ce sondage, Riley ? C'est Selfless. Ah, mais donc, t'étais pas du tout, t'as raté une séquence. Mais si, j'ai écouté. C'est pas grave, c'est enregistré, tu réécouteras. Bon, alors, taisez-vous maintenant. Le moment est important. Ah oui, non, il a relancé sérieux. C'est l'heure de faire le point Geekopolis. Il y a pas de Geekopolis. Voilà, pas de jingle. Non, parce que alors, vous le savez peut-être déjà, si vous ne le savez pas, on vous le redit. Nous serons dans 3 semaines à Geekopolis. Il faut qu'on monte des choses. C'est bon ça. Ah oui. Parler de Geekopolis. Voilà. Donc, Geekopolis, une manifestation qui se déroule. Porte de Versailles à Paris. Et là, il nous montre le t-shirt incroyable qu'on a pour Geekopolis. Voilà, vous pourrez nous reconnaître avec ce t-shirt. Et on sera donc le samedi 23 et dimanche 24 mai, yep. Porte de Versailles, voilà. Paris, Geekopolis. C'est divisé en 5 cités, 5 quartiers, c'est ça, dans les détails. Ouais, ouais. Nous, on est dans Métropolis, je crois. Voilà, donc si vous voyez des mecs, de Superman, des mecs avec un t-shirt comme ça, eh ben, ce sera un de nous trois. C'est des exemplaires uniques. Donc on y sera. On y sera pendant tout le week-end. On aura un stand à la gloire de Buffy sur lequel vous allez pouvoir enregistrer des mini-podcasts pourquoi Buffy c'est génial et jouer. Je peux le dire, bah, c'est prêt là, on est bon, faut qu'on teste bientôt, mais c'est et vous pourrez bon. Jouer à un jeu exclusif concocté par Riley. Je dis pas plus. Non, dis pas plus. Donc samedi et dimanche on sera là et deux rendez-vous importants à noter. Le samedi à 13h il y aura un podcast enregistré en public en direct de Geekopolis. Donc il faudra venir faire le public, vous pourrez participer, il y aura des micros qui vont circuler, on fera des sondages en direct, ça va être la folie. Et le dimanche à midi nous ferons une conférence sur les représentations du mal dans Buffy et leur signification. Ça sera très intéressant. C'est mystérieux. Normalement, ça sera intéressant. Normalement, c'est intéressant. Donc, c'est les 23 et 24 mai prochains, porte de Versailles à Paris. Yep. Est-ce que j'ai été complet sur le point Geekopolis ? Ouais, tu m'as même foutu le track, du coup, là. Oula. Il faut juste que les gens viennent avec Geekopolis. Oula, le track. Donc, sans plus attendre, passons à l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc l'épisode 7 de la saison 7. Nous allons parler de Conversation with Dead People. En français, Clément, qui s'appelle Connivence, bien évidemment. C'est en titre VF. Hein. Vous voulez en dire deux mots, peut-être ? Comme d'hab, on n'est pas tellement surpris, ça n'a pas vraiment de sens direct, en tout cas. Bah, ça n'a rien à voir, Connivence, ça veut pas dire... C'est très... Donc vous n'êtes pas content, vous êtes un peu colère. Un peu colère, là. À ce point que je suis allé chercher la définition de Connivence. Non, mais en vrai... Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire, Connivence. Non, mais on sait ce que veut dire Connivence, mais sans savoir... Ah. Finalement, et la définition, je vous la lis parce que c'est quand même scandaleux cette traduction, c'est connivence, participation, entente secrète, intelligence non avouée en vue d'une action, complicité, agir de connivence avec quelqu'un, c'est donc n'importe quoi. Enfin voilà, du coup, c'est pas la définition qui est scandaleuse, c'est le fait qu'il ait choisi comme. Bah, pourquoi ils ont pris ce titre, je comprends pas. Parce qu'ils sont en connivence. Est-ce que vous allez quitter Twitter vu que vous êtes pas content? Ouais, bah je suis à deux doigts de quitter Twitter, hein, je comprends. Donc c'est un épisode qui, de par sa structure, se démarque du reste de la série. Vous allez voir, c'est quatre histoires totalement indépendantes, mais qui se déroulent en même temps et sont racontées de manière alternée. Et pour certaines personnes, le titre est une référence au film Sixième Sens. Quand le petit, il fait... Évidemment. Enfin, moi, pour moi, c'était évident, quoi. Et surtout, la référence peut être renforcée par le fait que Buffy, dans cet épisode, est psychanalysée par un personnage qui est mort. Un revenant. On va dire une sorte d'un revenant. Oui, en fait, il peut faire le lien avec... Bah, il est mort. Il est surtout mort, et donc ça... Oui. C'est une petite référence au film. C'est un épisode réalisé par Nick Mark, dont on a déjà parlé dans ce podcast, dans le numéro Double Mythe Palace, sur Double Mythe Palace, saison 6. Et c'est un épisode écrit à plusieurs. Alors, petite explication, c'est Drew Goddard et Jane Espenson qui sont crédités comme scénaristes de cet épisode. Mais c'est faux. Mais non, c'est pas totalement faux. Mais il a été écrit à quatre, en fait. Parce que pour des problèmes de délai, ils étaient apparemment très charrettes sur la préparation de cet épisode. Donc, ils ont chacun écrit une histoire sur les quatre histoires. Jen Espenson a écrit les scènes Dawn Joyce. Drew a fait les séquences des nerds, donc Jonathan et Andrew. Et Martin Oxon a écrit les scènes de Willow avec Cassie, et Joss, celle de Buffy et Holden, évidemment. La meilleure partie, en plus. Voilà. Bon, on le dit pas tout de suite, c'est spoiler, mais bon. Mais bon, c'est quand Joss, c'est souvent bien. Il y a sur le chat Nico qui confirme vive les titres VF. Voilà, c'est, bien évidemment. Bien sûr. Connivence. Donc, c'est bon. Ça veut dire, Riley. L'épisode a été diffusé le 12 novembre 2002. Et vous allez voir, c'est une date qui apparaît au début de l'épisode. Donc, on va vous l'expliquer. C'est pour faire comme si les événements racontés dans cet épisode se déroulaient en direct et en temps réel. C'est une impression qui va être renforcée par les séquences qui enfin, il n'y a pas d'ellipse dans les séquences. Elles ont l'air de se dérouler en temps réel. Ah. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit pitch, mon petit Riley? Oui, je suis au taquet. C'est l'heure du pitch. Je suis là. T'écoutons. Alors, comme tu le disais, ouais, c'est un épisode quasiment en temps réel et on va suivre quatre histoires séparées, en fait. Mais vraiment séparées. D'un côté, il y aura Dawn qui fait face chez elle au fantôme de sa mère. Enfin, peut-être le fantôme de sa mère. C'est ambigu tout le long de l'histoire. Willow à la bibliothèque qui reçoit la visite de Cassie, qui est censée être morte. Hein, on le voit dans le prix aussi, mais c'est au début de la saison. Et qui a un message, cette Cassie a un message de la part de Tara. Ensuite on aura aussi Buffy qui va faire sa psychanalyse dans un cimetière avec un étudiant en psycho vampire et Andrew et Jonathan qui reviennent à Sunnydale dans un but très précis et on va découvrir petit à petit que tous ou presque sont manipulés en fait. Et le sommaire maintenant, donc de quoi allons-nous parler dans cet épisode? On va parler de la solitude. Ah. Bah, c'est hyper important et on va le voir, c'est le dernier il me semble que c'est un des derniers mots de l'épisode. Tout à fait. Alone. Donc, on va parler de solitude. On va parler du coup par connexion du deuil aussi, en particulier pour Willow qui vit mal le fait que Tara soit morte. On va parler aussi de la psychanalyse de notre héroïne qui là, c'est vraiment elle est sur le divan ou sur la pierre tombale. On est au plus profond du personnage de Buffy dans cet épisode. On va aussi parler des décors parce que chaque histoire se passe dans un décor précis en fait. Et ça bouge pas de. Enfin, chacun a son décor et aucun va changer ni se croiser. Et aussi, on parlera un petit peu de mise en scène, voilà, comme d'habitude, bah et, oui. Et de production. Quelquefois, il y a des petits détails de production qui ont leur importance. Qui changent un peu le truc, notamment sur Cassie, par exemple. Ça tease un peu Les aléas des tournages et des productions. Est-ce qu'on a des trucs à ajouter avant de commencer? Sur le chat, on me dit que les gens veulent voir Clément nu devant la caméra. C'est possible, quoi? Alors, veto, je veux pas. Non, ça serait trop sale. Non, je veux pas. C'est pas probable. Alors, je me munis de ma télécommande. Je vais vous donner le top chrono pour lancer votre DVD. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Top chrono. Donc là, petite animation incroyable. Le menu, la Michael du Geek disait que tout à l'heure, les menus étaient un peu. Hop là, c'est parti. Ah, moi j'aime bien la saison 7. Le menu du DVD, non. Previously, Riley, des trucs à dire sur le Previously. Oui, bah là on nous remonte tous les personnages décédés en fait qui vont intervenir dans cet épisode. Hein, c'est très gay alors. Bah c'est pas, non, c'est triste, mais on nous montre, voilà, donc Warren, Cassie, là, qui meurt, Tara au début qui s'est fait tirer dessus par Warren. Et on voit aussi que Spike a retrouvé son âme et bah, du coup n'est plus méchant en théorie. En théorie. Ah, premier plan retour le futur direct. Bah si, il allume les enceintes, si, il prend la guitare, c'est carrément pensé, on y a pensé direct. Donc le titre est écrit, ça arrive jamais ça. Ça arrive jamais. C'est en fait, c'est juste la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de la série qu'un titre d'épisode apparaît à l'image. Parce que si vous regardez en VF, vous voyez que au tout début des crédits, on voit le titre qui apparaît en bas de l'image. Mais ça, c'est que en VF. En VO, les titres n'apparaissent jamais. On connaît les titres, on le sait, mais ils sont jamais inscrits à l'écran. Donc, sauf pour là, donc ça marque. Tout de suite, ça donne un indice au spectateur qu'on va voir un épisode pas ordinaire. Donc, on nous donne, comme je vous ai dit, la date et aussi l'heure, hein, 8h, ouais, 8h du soir. Comme si l'épisode était en temps réel, en fait. Voilà, c'était l'heure à laquelle était diffusé l'épisode à l'époque. Donc, voilà, on est en temps direct. Alors, comme si on s'asseyait, comme si on était au théâtre, quoi, pratiquement. On va regarder un spectacle qui se déroule en direct. La chanson. Donc, la jeune femme, là, nous chante une petite chanson qui s'appelle Blue, la chanson. Donc, elle est interprétée par Angie Hart. Donc, on voit ici. Angie, son mari, tiens, je fais un petit point un potin. Son mari, c'est Jesse Tobias. Jesse, c'est un ancien guitariste d'Alanis Morissette et il a travaillé avec Joss sur Once More We Feeling. Et puis, c'est aussi un ami de la femme de Joss, évidemment. Donc, c'est copinage et compagnie. Donc, la chanson Blue a été écrite par la chanteuse Angie et aussi par Joss. Bien sûr. C'est une chanson spéciale pour la série. Et voilà, elle a été écrite spécialement pour l'épisode. Et à l'époque, donc, Angie et Jesse composaient le groupe Splendid, donc qui était déjà apparu deux fois dans la série, dans I Only Have Eyes For You, épisode 219. Vous voyez celui avec les... où il y a déjà des revenants, le lycée est hanté, et avec le morceau Charge, et dans Freshman, qui est le premier épisode de la saison 4, avec le morceau You and Me. Et à chaque fois, c'était bon, c'est là. Alone. Here we go. Here we go. Bah là, Buffy confirme ton truc du théâtre, elle lance l'épisode avec son Here we go. Et en plus, toute cette introduction, on voyait bien sans parole, mais tous les personnages qui vont être dans l'épisode qu'on va voir. Bah, et puis oui, le texte de la chanson nous raconte l'histoire de quelqu'un qui alors je retrouve mes notes, qui vit un deuil et qui se demande si cette personne va pouvoir passer la nuit seule en fait. Et donc c'est tout le thème de l'épisode, la solitude, le deuil pour Buffy, Willow, Spike et comment et Andrew quand il y a le deuil de Warren aussi. Tout à fait, ils sont tous et là donc attends petit mais priorité au direct qu'est-ce qui se passe, le plan Buffy le dernier Buffy. Où elle a les bras croisés habillée en noir hyper là elle passe pour une adulte qui n'a rien à voir ce plan avec tous les autres plans Buffy de générique de qui était un peu plus badass. Ouais, là, elle a l'air d'être hyper sérieuse. C'est saison 7 en même temps, c'est une adulte. Oui, alors, mais en noir, les bras croisés, et surtout ce plan c'est pas Buffy les gars. C'est The First qui a pris l'apparence de Buffy. D'accord. Okay. Ça a beaucoup de signification. C'est parce que cette saison 7, c'est aussi la saison. Donc, pendant toute la saison, ce dernier plan, c'est The First donc, qui apparaît à la fin. Et la saison 7, c'est la saison où Buffy va apprendre à s'effacer, justement, et à transmettre son savoir aux autres. Donc, c'est pour ça que. Monsieur Pitou sur le chat, Evil H. Grosse dédicace à Evil H 113. Oui, ne nous laissons pas distraire par ces gens. on est dans la voiture, dépêche-toi, tu rates du Star Trek. On est donc là, voilà. Donc on a nos deux geeks dans la voiture, donc c'est bourré de références geeks. Ça parle de Star Trek. Il y a des vannes de Andrew qui dit It hits you starting with your bottom. Ça c'est très drôle. Donc ça parle de références aux Klingons, tout ça. Hop, le plan panneau Sunnydale. Et il y avait aussi une petite référence, un petit retour sur la chanson. Là, dans les textes de la chanson qu'on vient d'entendre, à un moment, la chanteuse disait We've gotta make it right. On va falloir qu'on fasse ça bien. Et justement, Jonathan dit la même chose. Il dit Can I make it right? Est-ce que je vais pouvoir. Ah non, c'est l'inverse, pardon. La chanson dit Can I make it right? Et Jonathan dit We've gonna make it right. Voilà. Enfin bon, ça, les deux, la chanson et la réplique de Jonathan se répondent. Voilà, va falloir faire bien les choses. Et donc, on aura la réponse à la fin de l'épisode. Est-ce que les choses vont bien se faire ou pas? Donc, on a loupé une séquence classique de baston dans le cimetière. Et là, on est avec Dawn. Qui imite Buffy, en fait. Qui, maintenant, au lieu de détester sa sœur, elle l'admire et elle fait pareil. Quoi. Elle joue à Buffy dans la maison avec les vraies armes de Buffy. Ce qui pourrait peut-être vous entendre que c'est elle, la prochaine tueuse. Enfin, moi, bah ouais, ça, ouais, moment, surtout. Tu ouais. vois, peut-être que ça après, sera... il y a toute l'intrigue avec le potentiel ça et tout. Sera... Ouais, c'est vrai. Hein. Et bah, ça, c'est marrant qu'elle est complètement... Hop, un plan. Donc, j'aime beaucoup ce plan, Riley. Ouais, subjectif de l'extérieur de la maison, comme si elle était observée par quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose. On a peur. Et elle danse avec une musique dans Scream. Ouais, on dirait du Scream un peu. Ça, voilà, la jeune fille qui est toute seule dans la maison, évidemment, elle est en danger. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'épisode d'il y a 3 semaines, où Dawn ne voulait pas justement être seule dans la maison, faisait tout pour retenir les gens, là, elle est contente d'être toute seule. On voit que Dawn a grandi, a évolué, le personnage. Elle a passé ce cap. Et tout à fait, tout à fait. Donc là, Willow, on est avec Willow à la bibliothèque universitaire. Hop, et là, on voit Cassie directement. Alors voilà. Là, ce qui est cool, c'est que Willow sait tout de suite qu'il y a un problème, puisqu'elle reconnaît Cassie tout de suite. Quoi. Bah oui, enfin, c'était il y a pas longtemps en même temps, heureusement. Non, mais c'est bien. Ils auraient pu jouer le fait qu'elle a vu que c'est un personnage qui sont pas censés le croiser. Ouais, ils le disent en plus, on s'est jamais rencontré. Mais bon, elle sait tout de suite. Non, mais ça aurait pu être encore mieux quand même. Bah oui, voilà. Ouais. Parce que figurez-vous que normalement, ça aurait dû être Tara. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, c'est The First qui prend l'apparence de Cassie pour essayer de pourrir la tête de Willow. Et ça aurait dû être Tara qui apparaît à Willow pour essayer de lui retourner le cerveau. Sauf que... donc alors, il y a deux versions qui circulent. Il y a une version qui dit que l'actrice Amber Benson n'a pas voulu revenir dans la série pour jouer un personnage méchant, pour pas salir entre guillemets le personnage de Tara. C'est pas ça dire, c'est même pas elle, c'est The First. Et la version officielle, c'est que elle était pas disponible. Donc en gros, on pense c'est vrai qu'elle a fait plein de trucs après, quoi, du coup. Il me semble. Non mais c'est quoi ? Elle était dans un grand film, une semaine peut-être. Non mais donc on peut imaginer que effectivement, elle avait pas trop envie de salir le personnage de Tara, mais que par courtoisie, ils ont dit qu'elle n'était pas disponible. Oui, voilà, Michael bon, enfin, tu as ta réponse. Parce qu'il lui demandait justement... Résultat, elle n'est pas là et ça fait chier parce que ça aurait été quand même beaucoup mieux avec Tara. Mais bon, passons. Qu'est-ce qu'on est où là ? Dawn, qui regarde un film d'horreur et elle va se retrouver dans un film d'horreur. Évidemment, elle-même. C'est un film d'horreur qu'elle regarde. Mais oui. Alors, et moi, je voulais juste faire... On revient juste un petit peu en arrière. La séquence de Willow s'est terminée par... Une réplique, Tara, point d'interrogation. Vous allez voir que beaucoup de séquences de cet épisode toutes, même, ouais. vont se terminer par une interrogation. Et bon, c'est une ficelle classique pour encourager le spectateur à rester pour la suite de l'histoire. C'est d'autant plus important vu que là, on a 4 histoires qui sont différentes mais mêlées. Et le spectateur doit regarder 3 autres histoires pour finalement revenir à la 4e. C'est du classique, donc, elle peut pas éteindre la télé. Donc il faut l'encourager à rester. Donc on lui balance des questions comme ça pour créer du suspense. Et en plus, c'est un épisode où les gens ne vont faire que beaucoup que parler, enfin sauf Buffy là qu'on voit qui bastonne. Mais voilà, c'est très important de poser des questions au spectateur. Ah, c'est génial. Il a connu Buffy. Hey, salut. Ah, mais putain, Buffy. Et ça fait longtemps. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu deviens ? Holden Webster, mais bien sûr. Et d'ailleurs, je reviens encore en arrière. La fin de la séquence de Dawn juste avant se termine par Is there a storm ? Point d'interrogation. Et point d'interrogation. Oui. Une interrogation, tout pareil. Fin de la parenthèse. Donc là, toutes les histoires sont lancées. On a un peu oublié Andrew. Mais... Alors, Nico Angelus nous confirme que Amber Benson en a reparlé. Oui, donc pour dire qu'elle n'était pas. Oui, elle voulait pas. Pas dispo, elle... Non, elle voulait pas. Elle voulait pas. C'est ça? Ah, je sais pas, donc Nico, confirme il... que... ah, oui, donc qu'elle en a reparlé, mais après, non. Non, moi, je pense qu'elle voulait. Si tu veux donner un peu plus de détails, Nico. Michael Dugin dit que Tara écrit maintenant. Elle écrit des romans. Qu'est-ce qu'elle écrit? Est-ce qu'on peut avancer sur les fils? Parce qu'on est déjà en retard. Il y a plein de trucs que je voulais dire. Elle va attaquer son micro-ondes avec une hache. Tout est logique. Bah là, c'est une référence à Villain dans le. Non, je suis d'ailleurs maintenant. Ah, c'est bien, c'est un détail, mais le poste qui fait quand même de la musique. Ça, c'est génial. Moi, j'adore cette idée. Mais toute cette séquence avec maman. Encore une question, fin de premier acte, on finit sur une question. Et c'est efficace. Et donc là, Buffy qui est face à son vampire qui va le psychanalyser, c'est un ancien ami du lycée qui est maintenant étudiant en psy et qui est surtout vampire, surtout, qui vient de se faire transformer en vampire. C'est marrant, c'est comme quand on croise quelqu'un vraiment et qu'on connaît, mais Ah, c'est qu'on n'a pas vu plus longtemps, ils posent les mêmes questions, sauf que là, c'est dans un cimetière en pleine nuit, il y en a un qui est vampire. Et... Bah ouais, le dialogue est vachement réaliste. Ouais, exactement, c'est exactement ça, ils ont des souvenirs, ça pourrait être des vraies personnes. Voilà, un dialogue naturel. C'est très drôle, là, c'est très, justement, Joss Whedon, il fait que ça, quoi. L'acteur est très cool, Jonathan Woodward. Il est tellement cool que d'ailleurs, il va revenir plusieurs fois dans d'autres projets de Joss Whedon. Il va jouer dans Firefly et il va jouer aussi dans Angel. À plusieurs reprises, il va incarner Nox. Donc ouais, très bon acteur. Oui, très bon. Il a pas fait grand-chose. Là, il discute avec les vampires. Et oui, et puis il parle des gens qui ont en commun des connaissances communes. Et là, Buffy dans cette scène, elle est totalement redevenue la Buffy ado, enfin ado devenue femme maintenant, mais la Buffy non tueuse. Vous voyez, on le voit, c'est très clair dans son jeu. Elle joue très bien aussi, Sarah. Et elle joue pas du tout de la même manière. Elle est un peu parfois, je sais pas, hésitante ou pas sûre d'elle ou voilà, et pas du tout tueuse et tout. Et elle parle juste avec un ancien mec de ça, lycée, quoi. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu plus longtemps, tu n'es pas forcément à l'aise. Donc on commence avec les banalités et va bientôt arriver le moment de la psychanalyse. Ouais, mais il y a des répliques marrantes, comme par exemple elle dit ah ouais, je t'avais pas reconnu avec ta nouvelle tête de démon. Et en plus, t'es beaucoup plus baraqué qu'avant. Il dit, je viens de se battre. Et puis après, quand il dit quoi, on dit ça tout le temps. Holden, quoi de neuf, Holden, bah, je suis mort. Il fait une vanne là-dessus. C'est... Ah bah, apparemment, je suis mort. Un truc comme ça, je crois. Ouais, je crois qu'on a loupé le moment où il parle de Scott, je crois. Scott, donc il parle de Scott, l'ancienne petite amie de Buffy en début de saison 3. Et donc là, c'est drôle parce qu'ils font dire à Holden que Scott est devenu gay. Et c'est une référence à l'époque. Ah oui, voilà, c'est là, j'ai juste là. En fait, à l'époque, l'acteur, donc Fab Filippo, qui incarnait Scott, jouait dans Queer as Folk, qui jouait donc un violoniste gay. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à Fab Filippo. C'est bon. Pour dire qu'il est devenu gay. Après être sorti, c'est quand elle dit ce Slayer que la psychanalyse commence. Mais ouais, Holden, il est génial. Elle lui demande, ah oui, donc t'es unique. Et après, Holden enchaîne. Ah non, c'est Buffy qui dit alerte psy 101. Ouais. D'ailleurs, c'est parti. Bah donc, voilà, c'est... la psychanalyse commence. Hop, le plan raccord sur le téléphone pour montrer que ça se passe en même temps avec Dawn en train d'essayer d'appeler Buffy. Voilà, on en rajoute sur le côté en temps réel. Tout se passe en temps réel. Joyce, ça fait froid dans le dos. Ah oui, alors donc ce plan, on l'a vu, info. Elle l'a vu. C'est bien fait. Il a été fait avec une caméra robotisée, vous savez, les caméras qui sont sur, qui permettent de faire à la caméra exactement les mêmes plans au millimètre près, et comme ça après, donc on filme une fois avec le corps, une fois sans le corps, et après on mixe les deux images et on obtient ce plan très cool. J'ai vu les chaises dont tu parlais. Les chaises, ouais. Ouais, dont on parlait hors antenne. Pardon. Donc il y a un plan avec des chaises mises sur la table de manière instantanée. Donc c'est une référence au film Poltergeist de 1982, bien évidemment. Je crois que c'était Last Action Hero avec le chien, tu sais. Mais justement, dans Poltergeist, ça marche beaucoup mieux parce que c'est de plein jour et ça arrive pendant un truc banal. Là, c'est juste un clin d'œil, quoi. Ça fait pas peur du tout, quoi. Le plan est non, c'est pas rapide. Le plan qui fait le plus peur, parce que c'est ça, cette scène pour le coup. Alors, elle est pas, mais elle fait quand même, elle est un petit peu angoissante, très angoissante même, je trouve. Moi, j'aime bien les côtés, les films de fantômes et d'esprits. T'aimes bien quand ça fait peur. Ouais, parce que le tueur, tu peux le slasher, toi, tu peux lui casser la gueule. Un esprit, tu peux pas. Ben moi, c'est ce que j'aime moins justement, c'est parce que en gros, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Donc il y a pas trop d'enjeux, quoi. Ah, mais il est insaisissable, c'est flippant. Bah oui, justement, donc tu peux rien faire, donc le personnage, il... Bah justement, c'est parce qu'il peut rien faire que c'est flippant, je trouve. Ah oui, bon, ah oui, dans ce sens-là, oui. Il y a des débats. Donc là, Dawn, qu'est-ce qu'elle fait, Dawn ? Bah, elle pense que c'est sa mère, l'esprit qui est là, du coup, elle essaie de lui poser des questions. Et moi, j'aime beaucoup cette scène, parce que le fantôme répond en tapant au mur, avec un coup ou deux coups. Ryan, c'est toi. Non mais juste cette ambiance, ça marche super bien, par rapport aux questions. Hop, elle fait tout trembler. Cheeky cam, hop, et là c'est cool. Il y aura plusieurs références comme ça au spiritisme dans l'épisode. Forcément, on est dans l'épisode où les gens vont avoir des conversations avec les morts, donc il faut qu'on retrouve les codes du spiritisme. Donc comme taper une fois pour oui, deux fois pour non, des choses comme ça. Enfin, là ça marche pas. Voilà, on est dans la partie comique de l'épisode. Voilà, donc bah, on, très triste, on parlait des genres justement, et vous allez voir que donc chaque histoire a ses codes. Et donc dans l'histoire Jonathan Andrew, bah, c'est essentiellement les codes de l'humour et de la comédie. Enfin, jusqu'à la toute fin, en tout cas, parce que ça sera beaucoup moins drôle à la fin. Donc, bah, de la chute, des gags, des références geeks, du comique de répétition, check, des choses comme ça. Et donc, ça permet de faire redescendre la tension entre deux séquences chargées en émotion, comme par exemple les séquences de Dawn ou Willow. Et bon, bah, pareil, c'est du classique, quoi. Quand, dans une œuvre, il faut toujours qu'il y ait un certain équilibre entre les différentes émotions, entre le grave et le moins grave. J'ai un poster du surfeur d'argent derrière. Pardon. Oui. Ben, c'est, il fallait le noter. On va parler comics tout à l'heure, je crois. Monsieur Orange, il raconte son histoire. Est-ce qu'on a précisé qu'on allait parler d'Avenger 2 tout à l'heure? Ah, on n'a pas dit. Je ne sais pas si on l'a dit. Je vais en parler. Mais... En tout cas, oui. On parlera d'Avenger 2. C'est là le gag de check-check. Check-check-check. Ils sont habillés comme dans Ghostbusters. Tu parlais de référence geek, voilà, justement, j'allais en parler. Ouais, ils ont les gros sacs, c'est la référence à Ghostbusters aussi, elle est visible. Surtout que là, ils vont se séparer bah, comme les Ghostbusters dans l'hôtel. Check. Oui, il y a aussi, on a loupé, il y a une référence à Retour à le futur. Quand Think dit, McFly. Il va y avoir Ghostbusters 3, les gars. Dans les... Ouais. Ça va être nul. Je suis désolé, mais ça va être nul. Dans les commentaires audio, écoutez les commentaires audio juste à ce moment-là. Il y a, ou c'est un peu plus loin, il y a Danny Strong et Tom Link qui font donc les comédiens. Hop, Warren. Qui refont le gag check, donc c'est très drôle. Dans les commentaires audio. Dans les commentaires audio, ils sont géniaux. Donc oui, Warren arrive. Donc Andrew lui aussi va parler à quelqu'un de mort. De mort, oui, donc enfin de First qui on sait pas encore que c'est The First. Ouais, mais bon bah nous on le sait. Parce que nous on l'a déjà vu l'épisode. Oui, je suis d'accord. Ça, avec c'est toi. Un peu évident quand même, on s'y attend. Et justement, ça permet de dire quelque chose, c'est je que suis devenu mexicain. Ah, juste un petit détail drôle, une petite anecdote drôle. Donc oui, la Warren est mort et donc apparaît sous les traits de The First. The First ne peut prendre les traits que de quelqu'un qui est mort, on est d'accord. On est d'accord. Sauf que dans les BD, alors attention, je vais spoiler les BD si vous voulez pas, si vous avez pas lu les comics Buffy saison 8 et 9 et 10. Vous bouchez les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Dans les BD, Warren revient. Ah oui. Il est censé avoir été sauvé de la mort par Amy, la sorcière. Et donc la réponse de Joss à cette incohérence, elle est marrante. Je vous la lis. He was legally dead for like a second. Amy didn't tell him because she didn't want to upset him. Okay, I forgot. Okay. Voilà, mon anglais était magnifique, hein, vous avez noté. On est habitué, non hein. Non, en gros, ouais. En gros, elle était marrante sa réponse parce qu'en gros, bah, il avait oublié quoi. Donc il essaye de se défendre, mais bon. Il avait oublié. Au moins, il l'assume. C'est pourquoi, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette petite incohérence dans les priorités de saison 8. Cette scène-là, quand même, quand bah, Tara parle à travers Cassie de. À Willow, c'est quand même génial. On a loupé les références à Star Wars pendant que je faisais mon avis. Oh, je suis désolé, Clément. Je suis désolé, Clément. On a pris un peu de retard. Bah, mais bon. Ils font des citations Star Wars et en plus ils le disent quoi. Voilà, donc Warren dit qu'il reprend la réplique et tout. Ah si, alors une chose que je veux dire, c'est que justement il utilise une référence à Star Wars pour convaincre Andrew de la véracité de son plan. Star Wars, donc voilà. Pourquoi il le connaît bien. Bah, pour les geeks, Star Wars c'est une religion, donc ils disent la vérité. Quoi. Star Wars a toujours raison. Bon bref, Willow et Cassie. Willow là, c'est super triste. Donc bah là on chiale, hein. On est d'accord. Mais moi j'ai chialé. Bah Willow aussi chiale. Tout à l'heure. Mais alors moi j'ai chialé pas pour la même raison. Dans cette scène, parce que figurez-vous qu'il n'y a rien qui vous choque là depuis le début de l'épisode. Moi, ça me fait pleurer. Il manque un personnage quand même. Ah ouais, d'accord. Ou Xander. Bah, il est en vacances, c'est bah non, bah, moi, il n'y a pas Xander dans cet épisode, donc j'ai beaucoup pleuré. C'est vraiment le seul épisode de Buffy où il n'y a pas Xander. C'est le seul épisode sans Xander. Alors, au départ, il était prévu qu'il parle lui aussi à la Force, mais qui aurait pris les traits de Jesse. Vous vous rappelez de Jesse dans le premier épisode de Buffy? Eric Balfour. Eric Balfour, donc qui est mort lui aussi. Enfin, pas Eric Balfour, pas Jesse. mais du coup, ça aurait été Willow qui n'aurait pas eu de. Qui serait pas apparu dans cet épisode, mais alors là aussi bon l'acteur était pas dispo, c'est pratique de dire l'acteur Balfour, il a fait quelques trucs là. Et c'est aussi le cas pour Anya qui était censée pendant un moment parler avec Alfrek, mais là aussi l'actrice pas dispo, donc ça c'est pas trois plans de coupe sur Spike, hein, qui lui aussi a un rôle à jouer dans l'histoire. Donc il est là mais il parle pas lui Spike, ouais, toutes les scènes où il y a Spike il y aura pas de dialogue, faut que ça soit rapide. Donc Spike Bar, bah, on a fini la cimetière, on retourne au cimetière, donc on va très bah là, très longue séquence. Là, on est la psychanalyse pure et dure. Buffy est allongée sur un divan. C'est une séquence magnifique qui est très très longue et qui va marquer la fin du deuxième acte. Et vous allez voir que dans cette séquence, ce qui est intéressant, c'est que il va se passer plein de choses. Et c'est juste par le texte et la mise en scène qu'on va passer de l'humour à l'action, au drama, et après de l'analyse intellectuelle du personnage. Enfin, c'est une scène qui est assez dingue et très très longue. Et donc bah là, on voit que, comme tu l'as dit, Riley, on reprend les codes classiques de la psychanalyse avec Buffy allongée. Cette tombe d'ailleurs a été construite exprès pour exprès. Non, ça se dit pas exprès. A été construite pour cette scène. Pour cette ça scène. Ça ressemble à un divan avec le bouquin. Exactement. En alors que c'est toutes cool. Les autres tombes sont viennent du vrai. Du vrai cimetière. C'est un vrai cimetière, quoi. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, non. Parlez. Il y a un quand même décalage avec le chat. Alors du coup, parce que ça réagit, mais on voit nous après coup forcément vu qu'il y a un petit décalage. Donc là, les mécaniques du geek. Nous précise que ça aurait pas apporté grand chose de revoir Jesse. Ah ouais, bah c'est vrai qu'on l'a un peu oublié peut-être. Ça fait comme 7 saisons qu'on l'a pas vu. C'est vrai. Ça n'aurait pas été fort utile. Donc voilà, donc pardonnez-nous pour ce petit décalage avec. Là c'est marrant, il y a Holden. Ah oui, il cite un moment, c'était au début de la scène, il dit ça fait presque 30 minutes qu'on parle et. Et faut qu'on se casse la gueule, dis donc. Non, mais voilà, c'est comme si vraiment l'épisode était en temps réel, que ça fait déjà 30 minutes avec les pubs, quoi, qui parlent vraiment. Et encore un indice que tout se passe en direct. Quoi, que c'est en live. Eux aussi sont en live. Peut-être qu'eux aussi sont en live. Et c'est aussi dans cette scène, il y a une de mes répliques préférées quand Holden, il va s'asseoir et il dit Buffy. C'est pas drôle. C'est absolument pas drôle. Putain, vous l'avez fait tout à l'heure. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. La réplique préférée. On l'a fait hors antenne. Ah la vache. Ouais, Holden, Passo dit Buffy, I'm here to kill you, not to judge you. C'est quand même, ça résume bien le rôle du personnage. Ouais, et aussi le décalage de toute la situation. Aussi, ce qui est drôle, c'est que quand Buffy est déstabilisée par ce que dit Holden, elle a l'impression que c'est parce qu'il est evil. Elle dit c'est son côté démoniaque qui la déstabilise. Et que donc, alors que pas du tout. Alors que c'est comme souvent dans Buffy, ce sont ses problèmes humains qui la déstabilisent et c'est le côté psy et non pas vampire d'Holden qui la déstabilise parce que ses vrais problèmes à Buffy sont souvent humains. Comme, donc là, avant de parler, comment ça s'appelle ? Il s'assoit, ça y est, il rediscute. Ouais. Là, il y avait une bonne. Son complexe de supériorité, Buffy, etc. Lui dit au moment Because I'm gonna win, ça c'est cool aussi. Elle sait déjà d'avance que bah, elle va gagner, qu'elle va devoir tuer le vampire à la fin, et on connaît déjà l'issue. Elle c'est bien écrit, hein. Bah, ouais, c'est là, c'est Joss cette partie. Hein, bah, carrément, on l'a pas dit, on va leur dire. Là, il était à fond, hein, je pense qu'il aimait bien ses personnages, quoi. Vraiment, mais on est complètement au cœur de l'analyse du personnage de Buffy. On est voilà, est-ce qu'elle est un super-héros, donc par définition elle est plus forte et meilleure que tout le monde, mais en même temps elle a fini par en prendre conscience, donc elle doit surtout faire en fonction de ça, et sinon c'est pas bien, et bah, parce que si comment dire, elle fait comme si elle était supérieure aux autres, elle agirait pas bien, comme dans When She Was Bad par exemple, le premier épisode de la saison 2. Ou tout ce qu'elle a fait dans sa relation avec Spike, donc il faut qu'elle soit consciente de sa supériorité aux autres, mais sans en abuser. C'est tout son problème à ce moment-là, et c'est tout son problème tout court, tout le temps, tout court, tout à fait. Une analyse, c'est douloureux. C'est vrai qu'elle est longue cette scène, mais elle est longue et ça fait parler, mais c'est cool quand même. Tant c'est dit dans le titre de l'épisode, Conversation, connivence, oui. Oui. Connivence, quoi, Clément, ça veut dire quoi, connivence déjà? Alors, connivence, je vais regarder sur le dictionnaire parce que je sais pas ce que ouais, ça veut dire. Ouais, on sait pas. C'est un peu compliqué comme mot. Non, mais pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que cette scène c'est vachement long et tout, mais t'es dedans. C'est passionnant ce qu'il dit. Super, ouais. Puis ça continue parce qu'après ils vont reprendre la basson. Oui, oui, Myline. Attends, Myline. Myline 0901. Qui dit qu'il aurait pu avoir le tandem Rupert Giles Jenny Calendar. Mais oui. Et c'est tout à fait vrai. Ouais, Jenny et Giles. Ouais, c'est vrai. Là aussi, ça aurait fait chialer du coup. Mais c'est parce que Giles n'est plus là en saison 7, c'est pour ça que. Ça a un peu déjà été fait dans Becoming. Ah ouais. Quand Drusilla fait apparaître Jenny. Mais bon, oui, ça aurait été très cool. Ça aurait pas été. Giles, d'ailleurs, c'est pas normal qu'il soit pas en saison 7. Bah ouais. Attends, mais il y a pas une histoire comme quoi l'actrice qui joue Jenny, elle voulait pas. Non, mais attends, je crois que justement. Elle est fâchée aussi. Et non, mais je crois qu'elle est super religieuse et. Ah oui, tu m'as dit ça, ouais. Il y a une histoire comme ça. Ça l'avait un peu embêté. Le combat reprend. Elle aura peut-être pas accepté. Voilà, et voilà, on arrive en fin d'acte 2, donc forcément, il faut qu'il y ait un petit cliff. Voilà, Buffy. Ah non, elle s'est fait fait mort, mort, mort, mort. Putain, vite, la pub. On a trop peur, on a trop peur. Et voilà, et en fait, non. Moi, j'ai eu peur qu'elle se fasse manger. Oh, on y a tous peur. La pierre tombale en polystyrène. Ah oui, je croyais qu'ils allaient la péter. Et non, parce que justement, ils vont péter la verrière. Hein, voilà, parce que vous allez voir qu'à la fin de la scène, ils vont finir par rentrer dans une crypte. Et ça, c'est un détail de production. C'est parce que pour pas devoir tourner trop longtemps en extérieur, parce que là, vous avez vu qu'on était dans un vrai cimetière, donc tourner en extérieur de nuit, ça coûte beaucoup d'argent de faire des scènes en extérieur la nuit. Et donc, il fallait que le reste de la conversation se passe à l'intérieur, donc en studio. Et ils y vont. Parce qu'ils n'ont eu qu'une seule nuit pour tourner ces scènes de cimetière, donc ils ne pouvaient pas faire toute la conversation dans le cimetière. C'est pour ça qu'ils vont dans cette crypte après. Donc la maison de Dawn, qui est toujours en galère avec ses histoires d'apparition, parle à sa mère ou à un monstre, on ne sait pas trop. Ah, oh, là, de flash là sur Joyce en moitié cadavre. Là, c'est tu as peur, Clément? Avec les yeux blancs là-bas, déjà, oui. Attends, normal. Dawn, elle est forte dans toute cette histoire choquante. Un autre. Ah, oh, regardez sur elle, un autre détail de production. Un autre détail de production. Faire un câlin, le monstre qui attaque Joyce, c'est le costume d'une Njarl. Vous vous rappelez d'une Njarl? Non. C'est le démon dans l'épisode 703, Same Time, Same Place. Vous savez, le démon qui embête Willow, là, qui lui mange sa peau, tout ça. Donc, le costume a été repeint en noir et c'est Jane Spencer qui l'a proposé pour pas que ça coûte trop cher et pour que son idée de monstre qu'elle avait écrit dans le scénario reste. It's my mother, I stay. Elle était bien sûr, Dawn. Elle était très contente d'avoir eu cette idée de production parce que c'est pas souvent qu'elle a des idées de production. Elle le dit. Du coup, est-ce que ça serait une image de la force, ce démon. Enfin, c'est une des multiples facettes parce qu'on a pas de. C'est pas dit clairement, c'est ça qui est bien. Oui, voilà, on sait pas concrètement à quoi elle ressemble, mais si ça se trouve, si c'était ça. Ça ressemble à rien du tout. Et oui, mais si c'était ça, à quoi elle ressemble en vrai. Enfin, on en parle après. Parce que là, Warren, pareil, lui aussi, c'est. Warren, il a une pose de fantôme. On a dans l'épisode, le premier épisode où on voit la force. J'ai un trou, le titre m'échappe. Saison 3, saison 3, ouais. Putain, je sais plus. Mais on le voit, on a une apparition de Amandes. L'épisode donc saison 3, on a une apparition de la force, une espèce de gros chauve-souris, la géante. Ah bah elle est multi-polyforme. Donc, c'est ça que nous nous éloignons priorité au direct, j'ai envie de dire. Et non, surtout, non. Holden Passo qui ressemble à James McAvoy un peu, je trouve. James McAvoy un petit peu, ouais. Non, professeur Xavier. Je veux juste dire un truc que j'ai oublié de dire dans la séquence de Dawn. À un moment donné, il y a 12 séquences, quoi. L'espèce d'apparition lui dit Get Out. Ça, c'est une référence au film Amityville. Donc une maison hantée, pareil. Oui. Sauf que dans Amityville, c'est un curé à qui on dit get out, le curé se casse. Sauf que là, Dawn reste. Parce que voilà. Dawn n'est pas curé. Donc c'est respect quand même. Elle a pas peur. Elle lui montre. Donc là, Holden est bloqué. On discute, c'est reparti. C'est reparti pour un petit coup de psychanalyse. Ça fait longtemps. Non, mais c'est bien parce que ça joue sur la durée. Et à chaque fois, Buffy se livre de plus en plus. Finalement. Parlez-moi de votre père. mais à chaque fois, elle en dit un peu plus. Et jusqu'à la dernière scène de confession, qui est la meilleure en plus. Voilà, il se met à l'aise, Holden, hein, il enlève carrément sa veste. Il s'attend à un combat aussi de fou. Je le trouve très cool, moi, cet acteur. Ouais, il est vraiment génial. Tout à l'heure, mais en plus, il fait du kung-fu. Il fait du kung-fu. Il est cool. Une autre chose que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, quand il y a une apparition de Warren qui fait très très peur dans les couloirs du lycée. Je sais pas si vous avez vu. Il fait très peur. Mais il fait encore plus peur aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu une photo qui a traîné il y a 2-3 jours là sur les internets, sur Slayer Revival d'ailleurs. Entre parenthèses, où il est tout barbu là, tout avec des grosses lunettes, il fait une tête trop bizarre. Je l'ai pas reconnu. Il fait très peur. Encore une question pour la transition. Ton ex était un vampire et là on voit Spike. Et voilà, des questions à chaque fois. Rapidement, je voulais lancer un petit sondage. Juste nous dit que Dawn est badass dans cet épisode. Oui, ça fait plaisir. On adore Dawn. Petit sondage vite fait. Alors cette fois, là c'est important les décors dans cet épisode. Je sais pas si vous avez fait gaffe, frère. Pas du tout. Et on se posait la question en plus il y a pas si longtemps que ça dans une soirée obscure où on était tous trois. on s'était demandé quel était le décor le plus emblématique dans Buffy. À votre avis, qu'est-ce qui représente le plus Buffy comme décor? Est-ce que c'est la bibliothèque, le cimetière, le bronze, la maison de Buffy ou la Magic Box. À votre avis, qu'est-ce qui est plus représentatif de la série? Ah bah moi je sais. Donc sondage, répondez, article sur le site, tout ça, répondez sur le live immédiatement. D'ailleurs, bibliothèque, cimetière, bronze, maison de Buffy ou Magic Box. Donc c'est quoi la question exactement? C'est quel est le décor qui est le plus... Que ça veut dire connivence. Quel est le décor le plus emblématique de la série à votre avis? Pour moi, c'est quand même la bibliothèque, je pense. La première bibliothèque. Bah oui, la bibliothèque, mais après, elle a ce problème, la bibliothèque, qu'on la voit que pendant 3 saisons. Mais... Là, ils ont fait une sorte de remake de la bibliothèque, là, dans cette scène, justement, avec... mais les étagères sont toutes en longueur. Ouais, mais bon, il n'y a pas de Jice, il n'y a pas la cage. Il n'y a pas la cage. On a raté toute la scène sur Cassie qui essaye de convaincre Willow de ne plus utiliser la magie. Ouais, parce que la magie, c'est mal. Dis-le, la bibliothèque, le cimetière, bref, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, allez-y. Début de l'acte 4. Début de l'acte 4, donc Jonathan et Andrew. C'est marrant ce personnage de Jonathan qui explique qu'il a fait son deuil du lycée. Parce que, donc, on vous a dit que c'est un épisode sur le deuil. Et là, lui, c'est surtout, il a un problème avec son adolescence. Jonathan, on le connaît depuis la saison 2. Un personnage qui est mal dans sa peau, qui ne sait pas où aller, il va faire des expériences. Il va flirter un peu avec la magie. Il va faire ce pacte avec les deux autres pour essayer de conquérir ce nid d'elle. Ça va mal se passer, il va fuir comme s'il faisait un espèce de voyage initiatique au Mexique, dont là il en revient, et ben on a un Jonathan assagi, mûr, ce qui est génial, c'est que sûr de lui. Tous ses regrets du lycée, il avait enfin... Et justement, il parle qu'il n'a plus de regrets, voilà. Du lycée, il se souvient de ses amis, de ses ennemis, ça lui manque. Et en face de lui, on voit Andrew, qui lui n'a pas du tout fui son deuil, qui, au lieu de regarder Jonathan, ne voit que les apparitions de la force au travers de Warren. Andrew, lui, il est complètement dans le manque de son meilleur ami Warren, et donc il est donc manipulé par la force, et Andrew ne pourra aller de l'avant. Ouais. Et trouver sa véritable place que grâce à l'épisode dont on avait parlé la dernière fois en saison 7, Storyteller. Mais la force attaque aux plus faibles, entre guillemets, ceux qui sont en deuil, comme Dawn, deuil de sa mère, Willow, Tara et Andrew de Warren. Exactement. Et Buffy, deuil en général. Voilà. deuil de sa vie complète. Deuil de sa vie normale. Elle est déjà morte deux fois, elle en peut plus. Faut vraiment que la série s'arrête. Laissez-moi tranquille. Enfin, parce que là, Dawn était direct. Dawn s'est pris une. Dawn se lance dans une fête foraine, hein. Confettis, magie. C'est cool les confettis, parce que ouais, on les voit, hein. Des effets, c'est super cool. Ouais, ouais. Tout explose. Ouais. Les griffures se sont. Ah, un détail, moi j'aime bien ces détails. Il y a Pierre Goyer qui nous dit que l'actrice qui joue la fille qui se fait mordre par Spike, elle joue dans la saison 2 de Dollhouse, la femme du sénateur. Un rôle. Non, mais moi j'aime bien ces petits détails. Ouais, mais non. Je savais pas justement cette nana. Cette nana, je me disais, tiens, on l'a jamais vue. Et elle fait, ah, mais si. Ça donne une excuse pour revoir Dollhouse. Très bonne série, Dollhouse. Donc là, on retourne au cimetière, donc dans la crypte. Donc Buffy, hein, donc se fait continuer à se faire psychanalyser. Parce que dans cette saison, et puis depuis toujours un petit peu, elle se sent donc plus forte que tout le monde. Et à juste titre, peut-être. Et donc, du coup, elle se sent seule à pouvoir protéger le monde, à devoir se sacrifier. C'est facile, tu sais. Hein. Bah oui, je comprends. Tu sais, Clément. Dis-moi, et lui, il s'installe. Il joue vraiment bien, le mec. Donc cette c'est cool, hein. C'est pas tout comme ça. Cette introspection trouvera son final, enfin sa solution dans le final de la série. Je vous rappelle qu'elle finira par partager son savoir, partager sa force, et elle ne sera plus seule. Et c'est pour ça qu'elle se sauvera en même temps qu'elle sauve Sunny. Ce plan génial, là, quand Buffy se confie, ça avance tout doucement vers elle. Hein. Ah, c'est ça que tu disais, le travelling. Je sais pas si c'est un travelling ou un zoom où la caméra s'approche d'elle tout doucement pendant qu'elle se confie sur son vrai rôle. Si c'est un travelling en fait. Pour moi, c'est un travelling tout léger, vraiment petit à petit, quoi. Et pour venir sur le psy, mais j'aime bien parce qu'il alterne il est bienveillant et l'agressivité quand il est en vampire. Ce sympa, ce petit cocktail. Petit cocktail. Et là, vous allez voir que, bim, la conclusion va venir du vampire, une conclusion bien déprimante, hein, parce qu'il va finir par nous dire qu'en gros, tout le monde se sent seul. Hein, voilà. Que, c'est dit. Hein. Tout le monde dans la vie se cherche une excuse pour être seul, donc que ça soit... que quelqu'un est mort ou machin de ça, et qu'on finira par trouver par ne plus être seul seulement que quand on va mourir. Donc youpi, on est content, hein. C'est, on le sait déjà, mais bon, ça nous redit une nouvelle fois que Buffy n'est pas une série optimiste, hein. C'est une série qui dit les choses, qui, voilà, Et Holden, bah Holden, il dit les choses aussi. La saison 7, c'est quand même assez déprimant, non? C'est adulte. Ouais, bah on va parler en conclusion, mais là, c'est quand même. C'est adulte, c'est on dit la vérité. On l'est tous jusqu'à la fin. L'amicale du geek nous dit que pour Buffy, c'est plutôt une coïncidence, c'est en fait si elle tombe sur le vampire, plutôt que sur la force. Elle passe une petite psychanalyse et que les autres se font attaquer par la force. Exactement, c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas la force. C'est le seul truc qui c'est pas la force. Il y a un lien quand même. C'est ce que la force. Bah, il y a un lien par rapport à. Il y a un lien, c'est que la force manipule Spike qui a engendré Holden. Ouais. Ah, ouais. Un lien indirect. Un lien indirect. Tu dis Spike, voilà, là, enfin, on comprend le rôle de Spike dans cette histoire. Alors qu'il ramène de façon extrêmement romantique demoiselle de Dollhouse chez elle. On a fini la séquence par une question. Il va lui faire un gros bisou. Il fallait faire un gros ça marche bisou. Bien ce rythme et, non, et ce plan il est très court mais vous avez vu dévastée, rien que dans la mise en scène ce plan il nous montrait plein de choses, il nous montrait la nana qui propose à Spike de monter, Spike qui refuse et la nana qui redescend et tout, enfin voilà. Là, j'ai trouvé très intéressant parce que c'était un plan de coupe mais coupe, qui nous montrait quand même des choses parce que là on est en plein exorcisme. Bah ouais, ça chie même les confitis chansons de Dawn, c'est génial, les confitis ça suffit plus quoi. Elle est badass. Ouais, c'est Nico Angelus qui disait ça sur le chat tout à l'heure. Elle est vraiment badass d'autre dans cette saison. Hein bah, dans cet épisode aussi, encore plus. Elle en chie. Hop, le son disparaît. Ça y est. Ah, retour à la normale. Peut-être c'est bien. Un travelling sur un slide. Et oui, c'était toutes ces séquences. Merci pour cette indication. Le dernier podcast, un réalisateur nous dit que c'est un travelling sur un slide. Toutes ces séquences dans la maison. Non, Angélique. Mais je peux en placer une ou pas? C'est prioritaire. Direct, il y a Joyce. Toutes ces séquences dans la maison de Buffy et Dawn, c'était elles étaient bourrées de références aux grands films de maison hantée qu'on connaît tous, Amityville, Poltergeist, L'Exorciste, etc. C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais oui, c'est vrai. Vous avez quelque chose à dire sur l'apparition de la maison de Joyce? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. En blanc. Non. Attention, voilà. Gandalf peut intervenir de cette façon, mais pas Joyce. Non, tu trouves que c'est trop, Clément? Décisif. Non, ça te fait sortir du truc, si tu veux. Tu trouves que c'est trop... L'apparition immaculée. Non, elle ne me sied guère. D'accord. Non, j'ai pas aimé du tout. En même temps, c'est pour jouer que la force se fait passer pour le bien. Voilà. Elle exagère. Comme là, elle exagère parce qu'elle va pousser Willow en lui disant « faut que tu te suicides » et tout. Elle en fait trop. La force, c'est peut-être pas habitué à... Même si c'est un trick. La force ne fait pas dans la subtilité. Je trouve que c'est trop, voilà. Voilà, Cassie, enfin là, c'est là qu'elle se trompe clairement et qu'elle se révèle en fait. Elle va essayer de faire croire à Willow que Tara veut que Willow se suicide, ce qui n'est pas du tout probable. Monumentale erreur. Elle va réagir tout de suite, Willow, c'est bien, elle n'est pas dupe dans cet épisode. Ah ben, bah, Willow, elle est forte comme une Amazon, s'il te plaît. Arrête, je... Il y a encore une dernière réplique qui va être Who are you C'est là, voilà. C'est tout de suite là. Ben bah, oui. Non, mais oui, j'ai dit bien évidemment. Willow se lève, ou Wario, et ça lance. Là, ça change tout. Là, elle sent qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est à nous, spectateurs, de lier tout ça à la force. Hein, parce que c'est pas évident pour. Ben en fait, ouais, même. Enfin, ça serait. Même parce que même à la fin, c'est pas très clair, en fait. On le sait au fur et à mesure des épisodes. Parce que c'est seulement la deuxième fois de la saison que la force apparaît, en fait. Elle est apparue dans le premier épisode. Et là, c'est la deuxième fois. Et donc, après, on va comprendre petit à petit qui est cette force, ce que ça veut dire, tout ça. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, c'est pour ça, tout ce qu'on vous dit là, c'est vrai qu'on, quand c'est la première fois qu'on voit l'épisode, on ne peut pas forcément s'en rendre compte, je pense. Donc là, bah, l'immaculée conception apparition de Joyce parle à Dawn. Bah ouais. Et c'est cool, non? Bah, c'est cool ce qui est dit, mais je trouve que l'effet est exagéré. Ouais, alors rajoute, pareil, là, la force en rajoute sur Buffy, genre tu dois plus la voir, Buffy va te conduire à ta perte, elle se fait manipuler comme tous les persos de cet épisode se font manipuler. Quoi. Par quelque part. De force. Peut-être pas Buffy, mais tous les autres en tout cas. Et alors là, c'est le pire Jonathan. De tous. C'est censé être toute la partie comédie. Alors là, c'est Jonathan, triste, qui aura tout au long de la série, hein, depuis ses premières apparitions jusqu'à sa rédemption, il aura tout au long de la série tenté simplement de se trouver des amis et de se sentir moins seul, hein, le thème de l'épisode. Et c'est juste au moment où il pense avoir trouvé sa place, avoir trouvé un véritable ami dans Andrew et trouver le seul but de l'amitié qui est l'entraide. Hein, il veut faire quelque chose de bien pour devenir pote avec Buffy et aider de potentiels nouveaux amis. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il se fait tuer par cet ami, donc ce faux ami. Et cet ami qui le tue pour justement lui obéir à celui qu'il considère comme son meilleur ami, Warren. C'est mort, ouais. Putain, c'est super. C'est fascinant, c'est fascinant. Là, c'est génial aussi qu'Assie dit, elle dit ce qu'on pense. Ah, je suis allé trop loin avec le suicide, c'est trop gros. Un peu. Bah ouais, non mais du coup, c'est bien écrit. C'est brillant. C'est c'est cool. Alors là, fait des menaces à Willow. Et d'ailleurs, l'amicale du geek nous disait que la force en prenait à Willow parce que c'était peut-être la plus puissante et celle qu'il fallait gérer. Bah, la force s'en prend ouvertement à Willow. Bah oui, c'est lui, pas faux. C'est pas elle faux. Lui dit clairement, elle dit, faut que t'arrêtes de faire la magie, faut que tu utilises. Elle a peur de disparition de la force, du pouvoir magique. Elle est partie dans les couloirs du temps. Donc, vous sous-entendez que cette disparition de la force a été copiée sur les visiteurs, c'est ça? Ça ressemble. Bah, ils ont vu cet effet, ils ont fait, oh là là, faut le recréer. Bon là, c'est la fin. Ah, et voilà. Voilà, Jonathan a 3000 litres de sang, là, il se vide sur le saut. Là, il fait flipper, on est en train de perdre Sartman, c'est pas drôle. Un problème de chips. Un problème de chips. Et aussi, j'aimerais bien la réflexion de Milins. La chanson reprend en fait. On nous parle sur le chat de Willow, qui a les yeux qu'elle a dans I Will Marry Your Mother. You son of a bitch. Ah, c'est fini, on a raté la fin. C'est fini, bah on va tout dire en conclusion, ne t'inquiète pas, Riley. Moi, j'avais des choses à dire. Donc, les personnages qui ne se croisent pas dans cet épisode, mais chacun de son côté, en arrive à la même conclusion. La conclusion, c'est ça pue. On est mal. Super. J'ai bien fait d'être venu. Ouais, merci. Ils étaient seuls au début. Ensuite, ils ont rencontré quelqu'un. Ils se sentent un peu moins seuls. Ils vont converser avec des gens. Et Dawn arrive même à communiquer avec sa mère. Willow pense à parler à Tara. Jonathan pense sauver le monde et parler à son ami Andrew. Et Buffy pense trouver une oreille attentive à ses problèmes dans la personne de Holden. Mais les quatre twists finaux nous font retomber les quatre personnages encore plus bas. Vous allez voir, Willow, elle se retrouve face à une force extraordinaire qui lui annonce la fin du monde, donc elle a un peu la très très peur. Dawn, elle apprend que déjà qu'elle va en chier et qu'en plus sa seule famille Buffy va la lâcher. Buffy découvre que Spike tue à nouveau, hein, donc ça c'est pas cool, et qu'elle pourra donc potentiellement plus compter sur lui. Et Jonathan, bah, lui c'est encore pire, il se fait clairement tuer. Donc le point commun entre toutes ces histoires, c'est donc The First, comme on l'a dit, qui manipule un peu tout le monde. Et ce but est de les diviser, de les faire se sentir encore plus seuls. Un peu comme avait fait, comme il y avait cette tentative dans l'épisode de Yoko Factor 420. Mais là, l'exemple est beaucoup mieux réussi, selon moi. Moi, bah, carrément, oui. Ouais, ça marche bien. Bah, là, ça finit vraiment mal, pour une fois. Enfin, pour une fois, cet épisode finit vraiment mal, quand même. Menace sur tous les persos. Enfin, grosse menace, voilà, c'est l'épisode vraiment qui nous dit attention, là il y a une grosse menace. On sait pas trop ce que c'était, on avait déjà entendu parler de la force. From Beneath, I Devours. Divorce from Beneath, I Devours. From Beneath, I Devours. Si, c'est Start ça. With Your Bottom. Moi je préfère cette version, donc c'est plus drôle. Donc, non, mais en gros, ça pue quoi. Ça pue. D'autres choses à dire en conclusion? Épisode sympa, mais pas plus. Enfin, ah, t'es pas fan de celui-là ? Si, moi je l'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus. Mais je trouve qu'il est original. C'est le truc de le passage sur Dawn, donc j'ai préféré. Après, dans l'ensemble. La partie vraiment la partie horreur. Après, dans l'ensemble. Ouais, fantastique. Cool. Moi j'ai bien aimé donc, tout ce qui était sur la solitude, le deuil, là, ça joue vachement, là, et la force s'attaque justement à tout ce qui est psychologique. Les persos essaient de les briser psychologiquement avant de les briser physiquement, ce qui change. Elle peut faire que ça. Elle peut faire que ça. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les derniers de la saison 7, ils vont créer Caleb, le bras droit de la force, qui est pour en fait faire une menace physique à Buffy. Qui est le meilleur méchant. Qui est un méchant. Oh oui, Caleb. Et c'est parce que la force ne peut pas s'incarner, enfin, prendre l'apparence de tout le monde, mais en même temps, on n'a pas d'apparence physique. Tout à fait. J'ai bien aimé qui s'attaque à Dawn, Willow et même Andrew, qui sont complètement aveuglés par la mort de leurs proches. Bon, c'est quand même assez triste. On y arrive. Toute la manipulation, moi, ça m'a fait penser direct à Lost, non? Pas vous? Les personnages morts qui parlent aux gens de l'île. C'est une référence très claire à Lost. Ils se font tous manipuler en fait par le Black Smoke et tout ça, qui prend l'apparence des gens morts pour guider les personnes. Oui, et puis surtout, tu n'avais pas encore placé Lost, donc il fallait que tu places là, Lost. C'est complètement évident. Ouais. Les gens morts, enfin bon, revoyez Lost. Bonne série. Je vais pas vous le redire à chaque fois. voilà, ouais, non, ouais, c'est. Et puis, alors, voilà, on peut finir juste par la meilleure partie. Quand même, la psychanalyse de Buffy pure et dure, c'est un vrai épisode de psy. On se reverrait dans la série In Treatment, là, où c'est la psy. Ils sont assis sur des. Enfin, là, c'est un cimetière, le décor est cool, mais. Et il y a des bastons pour. Voilà, il y a des bastons la conversation. Parce qu'on est dans Buffy. Mais là, c'est de la vraie psychanalyse. Le gars va pousse loin Buffy et Buffy nous dit clairement à nous, spectateurs, son état d'esprit pour la fin de la série. Quoi. C'est chaud. Donc, c'est bon chaud. Épisode, bon épisode. Moi, mais je trouve celui-là assez génial. Quand même. Si on passait. Oh, la rubrique, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Ah, ça vous dit ou pas? Ah, vas-y. On fait ça? Allez, c'est parti. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Ok. Ouais. Parlons de Star Wars. Ah non. Parlons. On va parler que d'une seule chose dans le système Buffy, tu aimais ça aujourd'hui. On va parler d'un petit film qui est sorti il y a 2 semaines. Ouf, je lui donne pas 2-3 semaines, pas plus, une semaine et demie. Hein. Avenger, l'âge d'Ultron, c'est comme ça, c'est ça le titre. L'ère d'Ultron. L'ère d'Ultron, je sais même pas. Réalisé par Joss quand même. C'est pas voilà. Souvent qui réalise un film, faut qu'on en parle. Donc on en parle parce que Joss, je sais pas si vous êtes au courant, c'est le créateur de Buffy, et donc il a réalisé le premier Avenger et là il y a la suite qui vient de sortir. Les gens sont peut-être pas au courant que c'est. Les gens sont peut-être pas au courant. Donc on va en dire. Il n'y a eu aucune pub sur le sujet en plus. On va en dire deux mots. Ah déjà avant de commencer. Il y a une référence à Buffy dans le film. Est-ce que vous l'avez vu? C'est vrai? Ouais. Ah non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Riley Clément? Mais non. Si, enfin, disons que sur le chat, on demande au chat. À peine déguisée la référence ou? C'est alors, dis-moi, référence à Buffy. Alors, dis-moi, la, ou laquelle? Pour moi, c'était la sorcière à la fin quand elle se vénère. J'ai clairement pensé à Dark Willow tout de suite. Pas mal. Il y a mieux. Quelque chose que vous aurez c'est entendu explicite. Peut-être. Entendu. Ultron. Quand il bouge, il est fan de Buffy. Il me semble que Ultron est fan de Buffy. Il fait des sons un peu étranges, non? Vous avez pas trouvé qu'il faisait des sons? Ouais, il fait des sons. Ouais. Des trucs électroniques. Et les sons électroniques vous ont rien rappelé? Si tu nous sors que c'est Moloch ou je sais pas. Eh ben ouais, c'était les mêmes sons que Moloch, les gars. Les mêmes. Exactement les mêmes. Il a une base de données de sons. Exactement les mêmes. Après, attends, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bah, c'est pas impossible. Quand Joss fait des robots, c'est des sons-là. Quoi. Non, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est la vérité, les gars. Voilà, mais que. C'est les mêmes sons. Alors, pas voilà. Tous. Ok. C'était mixé, bien évidemment, avec d'autres sons, parce que voilà. Moloch et Ultron n'ont pas la même dégaine, on est d'accord? Ah oui, effectivement. Mais Ultron. Des petites cornes. Ultron, quand il tournait la tête et tout, il faisait parfois le même son exactement que Moloch. La vérité. C'est pas un saut de robot lambda. Non, mais sachant que c'est le son. Mais voilà, mais ça vient de son disque dur perso. il a amené son disque dur extra. Voilà, et au mixage, il a dit tu mets musique, ça, c'est comme ça. Donc, on a fait cette petite référence, cette petite parenthèse sur la référence. On a beaucoup de choses à dire sur Avenger. On va essayer de chapitrer. Déjà, je voudrais un avis général. Je vais commencer par donner le mien, parce que je suis chef. Je suis Captain America. Alors, moi, j'ai trouvé ça bien, mais pas ouf. Bah ouais. Mais en même temps, tu me laisses de donner mon avis. Mais en même temps, je tiens à dire que moi, je ne suis pas du tout fan de ce genre de film. Moi, tout ces Marvel et compagnie, les super-héros, les X-Men et toutes ces saloperies, j'aime pas du tout, en fait, je vous le dis clairement. Et rien que le fait que je ne m'endorme pas devant un film de super-héros, donc c'est déjà beaucoup mais enfin ce qui est surtout bien c'est que j'ai passé un très bon moment, j'ai kiffé, j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé ça très cool, donc voilà, pour moi qui ne suis pas du tout la cible de ce genre de film, je trouve que c'est déjà beaucoup, mais pas ouf parce que par rapport au premier, voilà, pour finir je parle du premier, j'ai trouvé ça presque pareil que le premier en fait. Bah, c'est pareil, peut-être c'est peut-être ce qui m'a déçu, c'est que j'ai pas trouvé ça plus ouf que le premier. Moi, je rebondis là-dessus, en fait, même si, contrairement à toi, moi, j'aime bien les films de super-héros. Mais là, vu que je n'avais pas d'attente particulière, si tu veux, pareil, je n'ai pas été forcément très déçu, vu que c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Donc, voilà, je ne suis pas tombé de ma chaise en criant à la trahison, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, ça aurait dû être mieux que le premier. Bah oui, idéalement, oui. Voilà, bah, sauf que ce n'est pas du tout mieux que le premier. Moi, je suis plutôt client de genre de films, des BD en plus. Et voilà, et c'est peut-être aussi ça la différence. Non. Toi, t'es un fan de comics à la base. Mais attention. C'est pas une question. Là, en tant que film, en soi, là, justement, les critiques que j'ai, c'est pas sur les. les combats de à la façon comics où c'est du, où les trucs incroyables façon comics épique et tout. Ça, ça marche, mais c'est toute la, en tant que film, c'est nul quoi. Surtout la fin, mais c'est. On a dit qu'on n'allait pas faire de spoiler. Hein, on va, voilà, oui, on précise. Pas précisé, mais bon, on va précise pas faire spoiler. On va pas spoiler. Dommage, parce que la fin, c'est n'importe on va... quoi. Mais ça suffit. On peut parler de la fin. J'ai pas fini mon avis général. On peut parler de la fin sans spoiler. Moi, j'ai pas fini, moi. On va pas spoiler ce film qui vient de sortir. On va essayer de le critiquer, mais sans spoiler. D'accord. Voilà. Bah, vas-y, finir. Allez, ce que tu non, bah voilà, j'ai fini. Voilà. Donc. Les couilles. Alors. Bon, là, c'est du grand divertissement, c'est cool, mais. C'est déçu, on te sent déçu. C'est comme une tarte aux pommes, mais sans goût quoi. du pain perdu, voilà. Pas sucré c'est quoi. Un pain au rhum sans des crêpes, rhum. Des crêpes pas bretonnes. Et ça a l'air bien et tout, mais ça n'a pas de goût finalement. Des galettes sans saucisse. Des galettes sans saucisse. Quoi, est-ce qu'on peut aller un peu dans les détails parce que là, vas-y. Voilà, alors c'est chapitré carrément. J'aime pas ça. On va pas aller bien loin. On a mis un chapitre, la touche Whedon. Moi j'ai trouvé que donc, dans les points positifs du film on trouve quand même la marque de Whedon déjà rien que par rapport aux répliques. Rappelez-vous cette réplique ouais, c'est du Whedon en petite forme. Ils se reproduisent plus vite que des lapins catholiques. C'est pas une réplique culte, ça c'est absolument génial. Et ben dans ce film il y a des répliques comme ça, on est d'accord. Ouais, mais il y a des répliques aussi, genre il a brûlé la pelouse, faut qu'il arrête de brûler la pelouse, des trucs comme ça. Non, mais c'est marrant ça. Mais c'est pas marrant. Enfin, c'est marrant, ouais. C'est amusant si tu veux. Voilà. Bon, est-ce que tu as des choses à dire sur la touche Whedon, Clément? Oui, il y avait toujours l'humain était quand même toujours là dans les films de Whedon. Pour dire ce que tu veux, c'est pas qu'un blockbuster. J'ai vraiment le sentiment de pas avoir été pris pour un con. Comme j'ai pu l'être en regardant bon rien à voir mais Wolverine First Class. Wolverine First Class, mais c'est même pas. Pardon, je comprends que oui, X-Men, ça va, il y en a tellement. Il y a X-Men First Class, pardon, allez. Et Wolverine First Story. Non, mais rien, même dans les autres Marvel, bon, voilà. Dans le Captain America de le 2 là, c'est bidon, voilà, et c'est quand même mieux que ce genre de choses. Thor, le Thor 2 aussi, c'est quand même mieux que Thor 2. Je suis d'accord. Non, mais c'est mieux que Thor 2. Mais c'est mieux que Thor en général. Derrière Thor, tout est mieux que Thor 2. Il est enroulé complet, l'acteur. Il fait n'importe quoi. Nice. Il rigole pendant que Tony Stark lui dit des trucs. Enfin, bref, des trucs très sérieux. Peux-tu nous parler un peu de la fin, sans spoiler, bien sûr, dire ce qui t'a pas plu dans la fin? Eh ben, à la fin, il n'y a plus aucun découpage ni montage. Les personnages, ils se téléportent à droite, à gauche, dans l'église, dans les rues, dans les sous-sols. Dans la forêt enneigée, on ne sait plus pourquoi, il n'y a plus aucun plan. Oui, il y a des gros problèmes de cohérence par rapport aux actions. Mais et carrément, et les personnages disent on s'en va, ils reviennent, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a plus aucun sens. Alors, il paraît qu'il s'est fait charcuter au montage, le film. Que Joss... Ça sent un peu à un moment. Bah ouais, mais il y a des trucs, c'est incroyable. Même Thor dans la caverne, on ne comprend pas. C'est ça, en fait. Non, mais comment on ne comprend pas. Quand on ne doit pas spoiler, c'est pour ça que je dis ça, c'est un moment, pas. Mais je voulais pas parler d'un moment précis. Voilà. J'ai rien dit, Thor est dans une caverne, là. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis, alors, un des trucs qui m'a choqué, c'est qu'ils se téléportent n'importe où, sauf qu'à la fin, un moment. Non, mais ils se téléportent, entre guillemets, parce que c'est même pas leur pouvoir. Et à un moment, Black Widow et Hawkeye, ils prennent une Audi décapotable avec la grosse marque. Et mais ça, c'est rien, mais on s'en fout. Non, mais ça. On trouve qu'on s'en fout. C'est du placement produit, d'accord, mais c'est pas du tout subtil. Mais c'est pas fin, c'est pas fin. On a vu que c'est des super-héros, ils peuvent voler, les gars, ils peuvent sauter. Même si là, non, mais pas eux, mais alors du coup, ils prennent une Audi décapotable avec la marque, donc c'est du foutage de gueule. Il y a quand même, ça, ils l'ont pas coupé au montage. Il y a quand même des plans assez fous vers la fin. Il y a des moments. Il y a des plans fous. Tu croirais dans Dragon Ball, on est d'accord. Là, il y a des bastons incroyables. Le triple Kamehameha. C'est magique. Ouais, c'est magique. Cool. Ça, c'est cool. Voilà, quand il y a des quand même des très bonnes bien, choses. Mais dans l'ensemble, c'est décevant. Il y a quand même des très bonnes choses. Pierre Goyer nous dit que le montage faisait 3h30 au début. Voilà, il aurait dû faire 3h30 le film, c'est clair. Bah, ça, on sait pas. De toute façon, on serait fait chier pendant une heure. Bah, peut-être, mais au moins on n'aurait pas eu un montage incohérent. Quoi. Parlons de la musique. Alors j'étais très ultra enthousiaste sur la musique du premier, signé Alan Silvestri, hein, qu'on vénère tous, compositeur de génie, notamment de la trilogie Retour à le futur. Et là, ils ont pris un Pékin là, qui on sait pas d'où il sort, truc Tyler là, je sais plus comment il s'appelle. Brian Tyler. Pékin, il fait plein de BO. Et c'est dégueulasse sa BO. J'étais scandalisé. La musique est pas terrible en plus. La musique est pourrie. Les seuls morceaux assez passables, c'est ceux que Danny Elfman a repris d'Alan Silvestri et qui a réorchestré. Repris au moins bien en plus. moi je suis scandalisé de cette musique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique? Non, pareil, j'étais très déçu de la musique, surtout que là, la musique du 1, elle passe trop bien, j'aime bien l'écouter. Elle envoie du gros pâté. Elle envoie du gros pâté. Le thème est vachement classe. Et Danny Elfman, oui, les trucs qu'il a repris, même si on sent un peu du Spider-Man 2 derrière, je trouve, ça reste vachement cool. Par rapport à tout le reste qui est pas terrible. Quoi. Non, mais là, ouais, la musique, c'est même pas épique du tout sur les scènes. On l'oublie quand on n'y pense même pas. Elle est pas tellement présente. Ouais. Ok, donc on est tous les trois d'accord, la musique a été à chier. Le jeu des comédiens, vous avez des trucs à dire sur le jeu? Bah, j'étais très déçu de la nonchalance. De toute façon, ils sont enroulés, ils sont fous, les mecs. C'est bien dommage, je trouve, parce que, à la rigueur, si Scarlett Johansson à un moment nous offre une petite scène, je vais pas spoiler, t'inquiète, rassure-toi, voilà, mais tout l'ensemble, ils sont là, bon, bah, on fait Avengers. On en a rien à foutre. Les gars jouent pas, quoi. Même Tony Stark, que j'avais trouvé vachement impliqué, Robert Downey Jr., je l'avais vachement impliqué dans le 1. Peut-être après, il en a ras le cul de. Oui, d'ailleurs, en automatique. Là, il est en automatique. C'est assez... Ça fait combien de films où il incarne Iron Man quand même? Ça fait le cinquième quand même. Ouais, mais là, il est en automatique complet. Surtout si on parlait de l'interview de Joss qui est sorti hier ou avant-hier, là. Oui, parce on peut en parler exactement. Joss nous donne des explications. Il s'est un petit peu désolidarisé de son film. Hein. On peut en parler ou pas? En des termes pas très. Il a mis une interview aujourd'hui incroyable de Joss quand même. Alors, déjà, il se fait bâcher sur les internets et du coup, il quitte Twitter. Il n'y a rien à foutre. Donc c'est que ça. Et il balance des dossiers sur le film. Ouais. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire. Il dit deux, trois bricoles comme... Le magazine Empire, voilà. Hier ou aujourd'hui. Ouais. Comme par exemple... voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Il explique en gros que lui, il avait proposé que deux personnages arrivent à la fin du film qui sont Captain Marvel et Spider-Man. Spider-Man, j'ai dit quoi? Spider-Man. Dit Spider-Man au lieu de Spider-Man. Pardon, excusez-moi, ça va. Toi, t'es balèze en anglais. Bon, on arrête le podcast. Non, mais c'est la prononciation de Sarpa. Donc, il avait proposé que ces deux personnages arrivent en fin de film et on lui avait dit non, on n'a pas les droits, le fais pas de ça. Et une fois que son film a été terminé, on lui a dit t'aurais pu le faire, on a les droits maintenant et tout ça. Donc, déjà, il avait les boules. Il leur a dit fuckers. Et il y a aussi une séquence qu'il aimait pas trop, il leur a bien giclé. Et on lui a dit tu vois tes deux séquences préférées là, si tu enlèves la séquence que nous on aime, nous on te fait dégager. Il faut dire quelle séquence c'est. Non, on a dit qu'on spoilait pas. C'est pas spoiler si tu dis la ferme et la grotte. La ferme. Tu me casses les couilles. Bref, on lui a fait du chantage. Ouais, c'est ça qui est scandaleux. Pour garder. Il y a plein de choses comme ça. Et en gros, la production s'est pas très très bien passée. Il a pu faire exactement ce qu'il voulait. Et donc il nous donne des pistes de réflexion pour effectivement si on n'a pas trouvé que ce film était au niveau de ce qu'il nous a donné d'habitude, on a peut-être des réflexions ici. Bah ouais, quand tu es aux commandes d'une grosse machine comme Avengers 2, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Il s'en était très bien sorti sur le premier. Là, ça a été un peu plus compliqué. C'est peut-être une explication de... il s'est peut-être moins impliqué sur le film, il a pas fait les choix qu'il voulait, il a peut-être lâché plus prise que sur d'autres films. Mais il manque que Joss fasse autre chose, quoi. Mais là il se barre, c'est bon. Moi je suis presque content, moi je suis fan de ce mec, de tout ce qu'il fait, et je suis super content qu'il se barre de Marvel, de tous ces trucs là, de ces films totalement formatés, c'est toujours pareil, toujours la même chose. Là, non, lui il apportait un truc dans ses films formatés. C'était quand même des films formatés. Il avait une très belle phrase pour le dire, les gens me payent pour raconter mes histoires, enfin je sais plus comment il disait ça, mais en gros c'est tout le problème d'être réalisateur de studio, quoi. T'as plein de gens autour de toi qui t'imposent des choses, mais toi au milieu de ça tu dois trouver des ficelles, des combines pour réussir à faire ton propre cinoche. Mais voilà, là il a montré qu'il savait gérer des gros budgets, qu'on pouvait lui donner un casting chaud et un budget chaud et qu'il pouvait faire des trucs cool. Donc voilà, maintenant qu'on lui donne pareil mais pour faire ses propres histoires, j'attends que ça sera génial et j'ai vivement qu'ils fassent ça. Edgar Wright et Joss Whedon finissent par se barrer, c'est quand même un problème. Qu'ils fassent leur film. Edgar Wright, il a pas attendu Marvel pour faire des purs films. Hein. Ouais, bien sûr, quelque part, s'il y avait un truc qu'on attendait, c'est dans un film de super-héros, où j'aurais vu avec plaisir. C'est un projet lancé par lui au départ, Ant-Man pour Edgar Wright. Mais bien sûr, mais si les studios n'ont pas compris qu'il fallait. Donner carte blanche à ces mecs-là, tant pis pour eux. Sinon, allez voir Shaun le Mouton, si vous n'êtes pas content. Voilà. C'est marrant. aussi, c'est très marrant. Bon, on a dit plein de choses sur Avengers. Je ne sais pas si on a dit plein de choses intéressantes, mais en tout cas, on a dit plein de choses. On passe tout de suite. Donc, il n'y a pas d'autre système Buffy, tu vas aimer ça. On a fait un spécial Avengers. On faisait un spécial Avengers 2. Quand il fait un film, on fait un spécial. Quand il fait un film, on fait un spécial. Et par contre, on a un système Buffy. C'est pas sûr que t'as aimé ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey Scotty, you find anything? Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Alors voilà, si t'aimes Buffy, c'est pas sûr que tu vas aimer ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Moi, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle As Above So Below, titre VF Catacombe. Vous avez peut-être vu quand c'est sorti ces affiches où on voyait la tour Eiffel comment dire de démolie, inversée non elle était inversée oui, je sais pas comment on dit inversée de tête bêche, c'est ça que ça dit, non je sais pas ça marche avec des crânes et tout. Bon, Catacombe en VF, donc c'est un film de John Eric Doodle. J'ai peut-être mal écrit parce qu'il est bizarre. Doodle. Non, mais Doodle. Bah, je sais pas, de toute façon, j'ai mal écrit. Bah, Doodle. Un film de 2014. Donc, c'est des jeunes qui vont dans les catacombes et ça fout les chocottes, Clément. Mais par un truc de malade. Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a enfin un film qui te fout les boules. Ça fait une éternité. Ça fait une éternité que j'avais pas eu peur devant ma télé. Et moi donc. Et c'est arrivé. J'y croyais plus. Hein, c'est arrivé. Donc alors c'est, je vous explique, c'est en mode fan footage. Donc ça saoule un peu parce que bon, il y a une mode fan footage et tout. Un peu, on s'en connaît. Mais bon, parfois ça marche. Il y a des trucs très très cool grâce au fan footage. Et bon, je pense que ça aide un peu à faire peur. Ça aide un peu. Et donc c'est très cool. Et moi, ce qui m'énerve. Mon coup de gueule. Non, je trouve ça malheureux qu'il faille attendre des étrangers parce que c'est c'est un réel américain pour avoir un vrai bon film d'épouvante qui se passe à Paris. À Paris, bordel. Qui utilise l'ambiance gothique mystique de Paris. Le loup-garou de Paris avec Thierry Lhermitte. Allez, ferme ta gueule. Retour de pisser. Non, j'espère qu'un jour on aura des Français pour nous faire des films ou des séries qui foutent les jetons à Paris, parce que il y a un potentiel dans cette ville, pour éviter les vampires à Paris. Il y a un potentiel fou dans cette ville qui foutent les jetons. Et voilà. Et ce film le fait super bien. Je vous encourage donc à regarder ce film, à éteindre les lumières. Vous vous mettez dans votre salon, là, vous éteignez toutes les lumières et vous matez ça et vous allez sursauter. C'est incroyable. Très bon film. Alors David sur le chat nous conseille d'aller au manoir de Paris pour avoir peur des sensations fortes à Paris. Effectivement, on m'en parle énormément de cet endroit et il faut qu'on y aille un de ces quatre. Mais bon, ça serait bien un film aussi quand même, hein. On est d'accord. Bah ouais, ouais. Bah en attendant, on va aller au manoir de Paris. Tant pis, hein, pas chaud. Ouais, on va le faire. D'autres systèmes Buffy, c'est pas sûr que tu aimais ça parce que c'est par rapport avec Buffy, mais c'est très cool, donc on t'en parle quand même. Alors, ma rubrique va parler d'un comics sur Star Wars. Ah, incroyable. On parle pas assez de Star Wars. Voilà, donc. Il y a une actu Star Wars en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une actu. Il y a un film qui a sorti ou pas, non? Je crois, ils ont parlé éventuellement d'un projet. Pas mal. Comme bien souvent dans l'univers Star Wars, les BD parlent mieux que l'auteur lui-même. C'est-à-dire je trouve que dans les BD Clone Wars, par exemple, t'es vachement plus, je trouve, dans l'histoire que le dessin animé ou même que les films des préquels. Toutes les BD, enfin certaines BD ont un aspect l'Empire contre-attaque, à savoir un aspect vraiment ancré dans le réel, les mains dans le cambouis, tu vois, la guerre dégueulasse, quoi. Et c'est un truc qu'on ne trouve pas toujours dans l'univers étendu. Dans les BD, si, très souvent, et surtout dans cette collection, dont le tome 1 s'appelle Dans l'ombre de Yavin. Alors attends, je vais montrer la couverture à la caméra peut-être. C'est Brian Wood qui écrit. Oui, le scénario est de Brian Wood. Ouais, alors on peut voir. Attends, t'es pas à gauche, voilà. Là c'est bon, top. Voilà. La BD se passe entre juste après le 4. Quand Yavin est encore la base rebelle de laquelle les rebelles s'échappent suite à la bataille, cette fameuse bataille de Yavin, justement. Pour venir, je vous donne les références de la BD. Donc, c'est Star Wars dans l'ombre de Yavin, le scénario de Brian Wood, les dessins de Carlos Danda et Ryan Odagawa. La BD est sortie en 2013, hein, c'est tout récent. Et c'est très très bien parce que ça raconte, les encore une fois, donc juste après la bataille de Yavin, Luke est un pilote. émérite, un héros de la rébellion, et en même temps, il est un peu paumé, le jeune homme, qu'il se retrouve avec un héritage qu'il doit porter, et il ne sait pas bien quoi en faire. Il y a notamment un plan très cool, je trouve, où tu as Luke qui, dans sa cabine de pilote, donc c'est une petite cellule toute confinée. Sur la frégate, il est dans sa cellule, quoi. Ils ont tous une chambre, et il est là. Avec le sabre sabre laser dans les mains, il se dit bon bah voilà. Et maintenant qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. J'ai trouvé ça très très juste, très très humain. Mais il se passe d'autres choses dans la BD où il fait que ça ? Attendez, je suis con parce que c'est un tout petit détail. En fait, ça parle de. En fait, c'est plutôt une BD qui était dans la lignée de l'escadron Rogue. Toute cette série où tu suivais. Ouais, Rogue One. Ils vont faire le film. Ils vont faire le film. Aussi. Bon bref, en tout cas là, il est pas encore Jedi et du coup il se fait un petit peu plaisir hein, avec une pilote, ce qui attise la jalousie de Leia. Bbref, j'aime bien ce scénario assez bien écrit, tout simplement. Mec, tout à fait. Du coup, c'est plus que dans la continuité Star Wars. Mais qu'est-ce que tu m'auras dit ? C'est ça. Parce que la Marvel avec ça depuis tout à l'heure. Je te fais pas chier. Mais là, justement, le Marvel. Il y a eu gros débat en antenne. Non, mais c'est que, du coup, tout ce que, l'ombre de Yavin, malheureusement, c'est plus canonique dans l'histoire de Star Wars. Mais absolument pas. Mais si, parce que ça se passe entre le 4 et le 5. Ah ben voilà, parce que justement, entre le 4 et le 5, ils ont sorti hier le comics oui, mais ça Marvel, parce que Marvel a récupéré les droits de Star Wars. D'accord, mais attends. Et donc, mais l'ombre de Yavin n'est plus canonique comparé au magazine, non. J'ai une gravure. Il va nous la sortir. Attends, tu la montres à la caméra. J'ai une gravure. Il faut certainement un petit peu montrer. Là, ils ont sorti ça, qui est la nouvelle histoire canonique de Star Wars. Oui, mais j'ai pas lu. J'ai acheté ça tout à l'heure. D'accord, mais on est d'accord qu'il y a des millions d'histoires qui se passent entre les épisodes 4, 5 et 6, et même entre le 3 et le 4, et qu'il n'y a pas une seule histoire. Là, ce que tu vas nous faire découvrir dans ton comics, c'est une histoire de Dark Vador, comme il en est arrivé des millions. Ouais, non, mais, sauf que là, c'est Marvel qui chapeaute tout. Ouais, c'est non, mais tout. Ce qui il va arriver à Luke dans cette histoire qui est dans le comics, là, écrit par Jason Aaron, je crois. Je sais plus les noms des auteurs. C'est officiel ce qui va se passer dans la continuité Star Wars avec les prochains films. Non, moi je persiste à penser que les autres comics sont aussi officiels. L'Amical du Geek dit quelque chose que moi j'ai entendu. Vas-y. Aussi et que je crois être vrai. C'est simple, Disney a dit que tout ce qui était sorti avant, on peut l'oublier. Voilà, bah, voilà. C'est clair, hein. Mais j'ai entendu aussi ça. Voilà, plus, tout ce qui est sorti avant le magazine. Les gars, mais alors je suis dans le déni total. Ah oui, mais je pense qu'on balaye les romans. Je pense que tu vas pas être le seul. Qu'on balaye la main de Dark Vador, tout ça. Les jeux et tout. Que tout ça, tout. Encore une fois, tout ce qui se passe après le Trou de Jedi, d'accord. Tout ce qui se passe avant, non. Là, ils font une erreur. Ils font une erreur. Ils font une erreur stratégique. C'est tout ce que tu avais à dire sur Star Wars, Clément ? Ouais. Et puis, non, c'est tout. Que la force est avec vous. Est-ce que tu as un autre si tu aimes Buffy? C'est pas sûr que tu aimes ça parce qu'il n'y a pas trop de rapport, mais on t'en parle quand même parce que c'est cool. Oui. Ah, très bien. Oui. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà. Si tu aimes Buffy, tu vas peut-être aimer un podcast qui s'appelle Split Screen. Oui, très bon podcast. Vous connaissez, ouais. Voilà, un podcast où des anecdotes de tournage aussi passionnantes les unes que les autres nous sont dites par trois chroniqueurs. Pardon. Vachement cool, c'est agréable de les écouter parler, ils savent de quoi ils parlent en plus. Donc, ils refont toute l'histoire du film. En fait. Ouais, c'est pas seulement des anecdotes, ils refont tout. Oui, pardon. De l'écriture à la prépa, au tournage, post-prod, ils passent tout en revue, c'est très fouillé, c'est assez cool. Mais oui, c'est sur des films. Sur des films, ouais, les grands succès qui ont bercé notre tendre enfance. Bah, des films pas dégueux, quoi. Ouais. Mais qui bossent, ouais. Sur les Dents de la Mer, leur dernier là. C'est le dernier Dents de la Mer. Il y a eu Indiana Jones, il y a eu Alien, La Mouche. Star Wars, il y a eu Pixar, il y a eu. Les films de Sam Raimi, Evil Dead. Sam Raimi, la trilogie Evil Dead, ouais. Et bref, on vous recommande ce podcast. Ils ont promis un retour vers le futur prochainement. Ah oui. Dans le futur. Un retour vers le futur dans le futur. La trilogie, il est tard, excusez-moi, je commence à. Non, ça sera bien. Non, mais ouais, très bon podcast. Split Screen, donc, c'est ça? Oui, voilà, Split Screen, comme le même nom que l'effet visuel. On mettra le lien, bien évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas terminé ce podcast, nous? Je pense qu'on a fait le tour. Que dire d'autre? Que dire? Bah, venez nous voir à Geekopolis. Oui, parce qu'il n'y a plus de podcast avant Geekopolis. Le prochain podcast se fera en public à Geekopolis. Donc, si vous voulez l'avoir en exclusivité, il faut venir y participer. Être dans le podcast et participer. Bah oui, participer, oui. En tant que public, c'est génial. Sinon, juste voir participer. Écouter toi. Je crois que le verbe qui correspond, c'est participer. Attends, ouais. Tu veux que je regarde la définition? Est-ce qu'on est en connivence? Est-ce que c'est par rapport à connivence? Je crois qu'il y aura une connivence du public et des. On est en connivence avec notre public. Des podcasteurs. On vous laisse. Il est très tard. On va vous laisser. Hein. Merci. Des gros merci bisous à tout le monde. Venez à Geekopolis. Venez à Geekopolis. Et... on l'a dit en même temps, c'est génial. Voilà. Et faites-vous votre avis sur Avengers 2. Allez voir Avengers 2. Oui, il faut quand même aller voir. Quand même. Et aller voir Shaun le Mouton. Télécharger illégalement As Above So Below, comme ça, si ça vous plaît pas, bah, au moins vous n'aurez pas perdu de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Et on a invité qui. Guillaume qui nous dit au revoir à sa manière. Et Guillaume qui dit que les invités sont chiants, c'est vrai. le dernier était dégueulasse. C'est très chiant, effectivement. Bon allez, on vous laisse. Ça pourrait être une éternité. allez, j'arrête. Les gros bisous. Le gros bisous. À plus. Merci. Ciao. À bientôt.